T'aimes pas sortir du dentiste quand il m'a fait une anesthésie. Puis acheter du pain d'épices à l'épicerie de mon quartier. J'aime pas leur demander des choses insensées, alors que je peux pas m'exprimer sans baver. Dans toutes les chansons, y a un moment où on pleure sur un accord mineur. Dans toutes les chansons, y a un moment. Et puis là où c'est dur, c'est pour ressentir des chansons d'amour, de poésie ou même des trucs très cons. On ose autant comme ça et en bavant de sous toi, tu fais des courts circuits et puis c'est pas sexy. Dans toutes les chansons, il y a un moment où on pleure sur un accord mineur. Dans toutes les chansons, il y a un moment. Et vice versa, dans toutes les chansons.